Chapitre 12e, dans la montagne. Peu de temps après, dans la montagne, la nuit, cheminaient deux cavaliers, c'était le Fulminante et son lieutenant. De temps à autre, ce dernier interrogeait d'un léger cri d'oiseau les échos de la montagne, qui répondaient par d'autres cris de signification diverse. Selon ses avertissements, des sentinelles apostées par les brigands, le lieutenant prenait tel ou tel sentier. Le Fulminante, pensif, suivait son éclaireur. Celui-ci questionna son chef, avec lequel il vivait sur le pied de la familiarité, car il le tutoyait. « Pourquoi, lui demanda-t-il, voulant t'emparer du neveu comme de l'oncle, tardes-tu à lui tendre un piège ?»« Mon cher, j'ai mon projet, » dit le Fulminante d'un air sombre. « Projet difficile à réaliser, il me faut du temps pour en préparer la réussite. »« Oh, » fit le lieutenant, « je comprends. » Mais il demanda tout à coup, « As-tu étudié ces gens qui entourent le jeune homme et capté la confiance de la sœur ?»« Oui, » dit le Fulminante, avec un sentiment de colère. « Évidemment, cette famille joue un certain jeu. »« Est-ce toi qui lui as tracé un rôle ?» Le Fulminante regarda son lieutenant. « Étrange question. »« Mon cher, » dit le lieutenant, « je supposais que la baronne polonaise était une de tes créatures et que tu l'as destinée à servir tes intérêts. Je te l'aurais dit. » Alors ce n'est pas cela. Tellement peu cela qu'il nous faut à tout prix savoir ce que sont ces gens-là. Je les surveillerai, dit le lieutenant. Ils agissent pour d'autres, en vue d'un but mystérieux, dit le Fulminante. Et il ajouta, la première chose à connaître, c'est la vérité au sujet du chevalier. Est-ce un idiot? J'en doute. Si cet homme dont les yeux s'allument en regardant Fernande allait en être amoureux, s'il jouait une comédie de maniaque, il y a dans ses allures un je ne sais quoi de louche. Il continua de rêver et de méditer, toujours guidé par son lieutenant. On atteignit ainsi un bouquet de bois où le lieutenant fit signe à son maître de s'arrêter. « Nous sommes arrivés, » dit-il. Le Fulminante tira de sa ceinture un magnifique chronomètre à répétition, après en avoir fait jouer le ressort et compter les tintements. « Nous sommes en avance d'une demi-heure au moins. Mettons pied à terre. » Ainsi fut fait. Sur un appel très léger, à peine perceptible du chef, deux hommes sortirent d'un bouquet de bois et se présentèrent pour tenir la bride des chevaux que les deux cavaliers leur jetaient aux mains. En ce moment, un cri d'avertissement montant de loin, répété de distance en distance, vint apporter la nouvelle que la personne attendue s'engageait sur ce que les bandits appelaient leur territoire. Le Fulminante écouta des bruits qui allaient peu à peu grandissant. « Celle que j'attends vient accompagner, » dit le Fulminante. En effet, elle est suivie d'un cavalier, car je distingue le pas d'un second cheval. Bientôt une femme parut, précédée de deux guides, escortée par un homme enveloppé d'un long manteau et coiffée d'un chapeau de feutre rabattu sur les yeux. Elle portait elle-même un voile. Lorsque le Fulminante fit un pas en avant pour la recevoir, elle le salua gracieusement et descendit le cheval avec une habileté d'écuyère consommée. Le Fulminante remarqua ce détail. Le cavalier se montra non moins remarquable par son aisance à cheval. La monture, au moment où il allait quitter la selle, se cabra violemment. Il la dompta avec beaucoup d'adresse, et d'après les procédés de l'école allemande. Le Fulminante, auquel rien n'échappait, nota ce fait dans sa mémoire, et saluant la jeune femme. « Soyez la bienvenue, signora. Je suis heureux de vous recevoir. Et moi, charmé de vous rencontrer, » dit-elle, mais elle demanda. « Est-ce bien au Fulminante que je parle ?» « En voici la preuve, » dit le Fulminante. Elle lui tendit l'anneau. « C'est bien lui, » murmura-t-elle. Puis tirant de son sein un autre anneau, suspendu au col par une chaîne d'acier, elle le montra au Fulminante qui dit « Oui, oui, c'est bien cela. » Le Fulminante était fort surpris. « La vue de mon anneau vous a fait supposer que vous ne perdrez pas votre temps en causant avec moi, » reprit la jeune femme. « Je suppose, signora, que la reine des Bohémiens de France » n'est pas venu trouver pour une question de mince importance. Ce fut au tour de la baronne à tressaillir. « Ah, vous avez connaissance de la valeur des signes gravés sur l'anneau ?»« Oui, signora. » Inutile alors de vous rappeler que les bohémiens et les bandits de tout pays, depuis 8 siècles, sont frères et alliés. « Madame, si je l'ignorais, je ne serais pas le Fulminante. Vous me devez aide, secours et hospitalité. Je viens vous demander tout cela. » Puis finement, êtes-vous absolument pressé? Pour vous, maintenant, non, dit le Fulminante avec un galant salut. Alors éloignez tout le monde, je vous prie. Je vous parlais seul à seul. » Elle éloigna Yalich, car c'était lui qui la suivait, et le fulminante écarta son lieutenant. Lorsque personne ne put entendre leur conversation, elle reprit. « J'aborde franchement la question. Vous aimez la nièce, ou du moins celle que vous croyez être la nièce de votre prisonnier ?»« Non, seigneur. Vous dissimulez. Non, je n'aime pas cette fille. Chacun sait que ma maîtresse est la Zinzinetta. » Cependant, quand sous le nom de Madeio, le fulminante se mit à rire d'un rire si franc que la baronne en fut confuse. « Madeio » s'écria-t-il. « Mon pauvre Madeio confondu avec moi. Ce sculpteur s'ignorait mon ami, et je le protège. Voilà tout. » Puis tout à coup, « Avez-vous vu Madeio ?»« Oui, » dit-elle. « Regardez-moi, » fit-il, ôtant son masque. Elle poussa un léger cri de surprise. Ce n'était pas Madeio. Cependant, elle hésitait encore. « Parlez, signora, » dit Fulminante. « Tenez, pour vous encourager, je vous avouerai que j'ai besoin du concours de tous les bohémiens d'Italie. Et vous pouvez me le faire obtenir, n'est-ce pas ?»« Oui, certes. » »« Ce sera le prix du service que vous me demandez. » La baronne se décida à tout dire. « Je vous avoue qu'il m'est pénible de vous avouer une faiblesse. Je croyais que vous aviez au cœur une passion au service de laquelle vous mettiez votre pouvoir, ce qui m'aurait justifié d'en faire autant. « Ah, dit-il, je devine, vous aimez ce Français. »« Oui, dit faiblement la baronne. Il aime cette Fernanda qu'est Madeio, et il s'agit de faire que Madeio soit le mari de cette jeune fille pour qu'Armand se décide à vous aimer. C'est l'esquisse de mon plan. Si j'enlevais le jeune homme, m'en aimerait-il plus pour cela? Peut-être. Il me connaît et me hait, parce qu'il aime l'autre. Mais supposez qu'elle soit la femme ou la maîtresse de Madeio, il se vengera en vous aimant. Essayons, dit-elle. Tout à vous, signora. Je vais développer mon plan. Il me connaît, mais il me connaît grande dame. Il me connaît brune, il me connaît avec le teint pâle, et je puis devenir la fille d'un de vos bandits avec des cheveux blonds. Nous autres, bohémiennes, nous savons nous rendre méconnaissables. Je ne l'ignore pas, dit le fulminante, souriant d'étrange façon sous son masque. Je suis convaincu que moi-même, vous revoyant, et prévenu cependant, je ne pourrai qu'admirer votre transformation et vous faire mes compliments. Ainsi je pourrais vivre dans votre grotte et me donner comme la fille d'un des vôtres. Comme celle de Cascario, c'est mon plus fidèle, puis avec intérêt. Vous comptez sans doute que l'isolement, des marques de pitié, une surprise, vous livreront ce jeune homme et qu'il vous aimera. Oui, avoua-t-elle, c'est lâche, mais je l'aime. Et vive la donne ! S'écria le fulminante. Il n'y a qu'elle pour savoir aimer. Je vous admire, signor. Est-ce sincère ? Oh, je parle net. À tout dire, je regrette d'ainsi fait que je ne puisse éprouver de pareilles passions. On doit en ressentir des joies infinies et de mortels chagrins, ce qui fait que l'on vit plus que d'autres. Vous acceptez donc ma requête ? Oui, si vous prenez l'engagement d'honneur de me donner l'aide des bohémiens d'Italie, je vous le jure. » Le fulminante parut enchanté. Elle lui tendit la main pour sceller le pacte. Il baisa les doigts gantés de la baronne. « Quand j'aurai pris cet Armand, dit-il, je vous ferai conduire auprès de lui. D'ici là, je vais tout préparer pour que Cascario parle beaucoup de sa fille et manifeste le désir de la voir près de lui. » En sorte que l'on ne s'étonnera pas de ma venue. Je vous remercie, monsieur. Signora, je suis votre obligé. Depuis longtemps, je me demandais où je trouverais le personnel considérable d'affidé dont j'ai besoin pour mener à bien une grande affaire, la plus grande qu'ait tenté un chef de bande. Entre nous, monsieur, c'est maintenant et toujours. Je suis loyal et je vous serai fidèle allié. Vous auriez en moi le plus dévoué de vos serviteurs, dit le fulminante. « À bientôt, signor. » Ils se séparèrent, et la jeune femme redescendit vers la plaine avec Yalich et ses guides.